Monologue suivi. Il y a une personne que j'aime beaucoup. C'est ma grand-mère. Quand j'étais petite, j'habitais chez mon grand-père et ma grand-mère à la campagne. Aujourd'hui, je suis toujours très proche de ma grand-mère. Je vais souvent la voir. Elle fait très bien la cuisine et j'aime beaucoup parler avec elle. Elle me raconte de vieilles histoires, elle m'apprend beaucoup de choses sur ma famille. Elle est très gentille et elle est très drôle aussi. Pour moi, c'est comme une amie. C'est très facile de parler avec elle et je l'écoute quand elle me donne des conseils. C'est amusant parce qu'elle est âgée et pourtant je lui fais confiance et je lui raconte beaucoup de choses sur ma vie.